Chapitre 13e. Elle le reçut dans son cabinet de toilette. Elle était vêtue d'une robe de chambre en cachemire blanc, tombant en larges plis droits comme la tunique antique. Ses cheveux flottaient épars sur ses épaules et ses yeux encore ensommeillés disaient qu'elle était à peine éveillée. Charmante, cependant, dans ce négligé, avec des grâces indolentes qui se révélaient à lui pour la première fois. C'était la première fois aussi qu'il pénétrait dans ce cabinet de toilette, la pièce la mieux réussie de l'hôtel, au double point de vue de la commodité et de l'élégance, grande, bien éclairée, décorée avec goût, d'un côté communiquant avec une salle de bain, d'un autre avec une longue galerie, où, dans des armoires, étaient conservées et rangées en bon ordre toutes les toilettes de la saison courante. Rien qui traînât et qui offensât la vue, au contraire, tout en place avec convenance et discrétion. Bien qu'il fût levé depuis quelques minutes à peine, Madame de Lucilière était déjà occupée à lire ses lettres, posées sur une petite table, à portée de son bras. « Je vous attendais, » dit-elle au colonel en lui tendant la main. Puis, après avoir échangé à voix basse quelques mots de tendresse, de manière à n'être pas entendue de la femme de chambre qui allait çà et là, elle lui montra de la main un fauteuil. « Maintenant, installez-vous là, si vous voulez, ou sur le divan, et laissez-moi lire mon courrier. Ne bougeons plus, comme disent les photographes, c'est commencé. » Et comme il la regardait avec étonnement, « Eh bien quoi ? » dit-elle. « Pourquoi cette surprise ? C'est donc sérieux, cette expérience ? » demanda-t-il à demi-voix. « Comment, si c'est sérieux ? Que vous étiez-vous imaginé ? Rien, mais encore. » Que vous n'aviez voulu que me donner une journée, voilà tout. Assurément. Mais le moyen de vous la donner n'est-il pas précisément de jouer avec sérieux notre petite comédie? D'ailleurs, je suis bien aise en même temps de vous convaincre que je ne vous trompe pas, quand je vous réponds quelquefois que ce que vous me demandez n'est pas possible. Maintenant, prenez votre place de spectateur et laissez-moi à mon rôle. Pendant qu'il allait s'asseoir sur le canapé, elle avait déchiré la bande du journal. Elle fit un geste d'impatience. « Que voyez-vous donc d'inquiétant ou de fâcheux ? » demanda-t-il. « On a encore haussé à la petite bourse du soir. Cela va nous obliger à une visite chez mon agent de change. Je suis à la baisse. » Elle jeta le journal et prit une lettre qu'elle ouvrit. « 4 pages, » dit-elle. « Sophie, vous pouvez me coiffer. » Et pendant que la femme de chambre peignait ses cheveux, elle lut ses 4 pages. Puis, lorsqu'elle eut fini, elle en ouvrit une autre, et après celle-là une autre encore, puis des lettres de mariage, des billets de mort, des invitations, des enveloppes de cartes de visite. Elle était coiffée. Alors, prenant sur la table un buvard, elle commença à répondre à toutes ses lettres et à tous ses billets d'une main légère et rapide. Elle écrivait sur ses genoux, vivement, jetant sur le papier quelques lignes d'une écriture courue, mais cependant parfaitement lisible. Puis, sans se relire, elle séchait dans le buvard la page écrite, pliait son papier d'un coup d'ongle, le glissait dans une enveloppe sur laquelle elle mettait l'adresse, mais sans la fermer, laissant ce soin à la femme de chambre qui s'en acquittait devant elle. En moins d'un quart d'heure, elle eut ainsi devant elle, sur la table, une douzaine de petits billets ou de cartes portant quelques lignes manuscrites. Le colonel la regardait émerveillé, se demandant ce qu'il devait le plus admirer de sa dextérité de main ou de sa sûreté d'esprit, qui n'hésitait pas une seconde, trouvant instantanément l'idée de la réponse à faire aussi bien que sa forme. Cependant, à son admiration se mêlait un certain sentiment d'inquiétude. De qui étaient ses lettres? Pour qui étaient ses réponses? Elle ne lui avait jamais écrit à lui. 4 pages. On n'écrit pas 4 pages indifférentes à une femme, encore moins 4 pages d'affaires. Il eut pu, il est vrai, en s'approchant de la marquise, lire quelques-unes des suscriptions des lettres étalées sur la table. Mais c'était là un acte d'indélicatesse qu'il n'eût pas commis, alors même qu'il eût été certain de surprendre ainsi, sans qu'on le vît, le nom d'un rival. Tout à coup, elle releva la tête, et prenant dans un des tiroirs de la table un petit cahier cartonné comme ceux qui servent aux écoliers, elle s'adressa au colonel. « Voulez-vous avoir la complaisance de vous tourner le nez du côté de la muraille ? » dit-elle. Il la regarda, demandant par un coup d'œil discret s'il ne devait pas la laisser achever sa toilette. « J'ai affaire, » dit-elle en répondant à sa muette interrogation, « ma rédaction sur la conférence de l'abbé Siadoux. Si vous me regardez, vous me donnerez des distractions et je n'y serai plus du tout. J'ai besoin de m'absorber dans mon sujet. Restez donc le nez dans le coin, je vous prie. Là, c'est très bien. Maintenant, je peux commencer. L'inspiration va me venir. Nous disons, la femme chrétienne et le colonel, qui s'était tourné vers la muraille, entendit la plume courir sur le papier. Sans doute, l'inspiration était venue, et Madame de Lucilière avait trouvé ce que doit dire et ce que doit faire la femme chrétienne, telle que la voulait l'abbé Siadoux. Si le colonel avait le désir de savoir ce que les lettres contenaient, il avait maintenant la curiosité de voir comment Madame de Lucilière comprenait et expliquait la femme chrétienne. La plume courait avec une telle rapidité que bien évidemment la main qui la tenait était inspirée. Malheureusement, on vint déranger la marquise. L'architecte demandait à la voir pour une affaire urgente. Il fut reçu. L'affaire urgente, qui amenait l'architecte, se rapportait des travaux qu'il fallait exécuter sans retard au bâtiment d'exploitation de la ferme de Blémur. « Oh, pas de réparation, » répondit la marquise. « Si l'on écoutait les fermiers, les fermages seraient entièrement consacrés aux réparations, et l'on serait propriétaire pour l'honneur. Le système de mon père était de ne jamais faire de réparation. Tant qu'il a vécu, il n'en a jamais autorisé. » C'est justement parce que ce système a été rigoureusement appliqué que les bâtiments de votre ferme tombent en ruine. Si l'on n'entreprend pas dès aujourd'hui ce qui est indispensable, ils peuvent s'écrouler demain. Alors il faudra les reconstruire à neuf. La ferme ne peut pas se louer sans bâtiment. Alors faites moins de vie, mais seulement pour l'indispensable. Je ne veux pas donner un palais à mon fermier ou à ses bêtes. L'architecte sortit. Elle se remit bien vite à sa rédaction, reprenant sans chercher sa phrase où elle l'avait arrêtée. Mais bientôt encore elle fut interrompue. C'était le clerc de son notaire qui venait lui demander des signatures. Soit conscience professionnelle, soit désir d'allonger le temps auprès de la belle marquise de Lucilière, le jeune clerc voulut lire l'acte dont il était porteur, mais elle ne le lui permit pas. « J'ai pleine confiance en votre patron, » dit-elle. « C'est le plus honnête des hommes. Montrez-moi où je dois signer, cela suffit. » Il signa en plusieurs endroits, tout en donnant des ordres et des explications à sa femme de chambre pour ses toilettes de la journée. Puis, quand le clerc de notaire se fut retiré, elle reprit sa rédaction. Mais cette fois encore, ce fut pour peu de temps. Le docteur Horton demandait à la voir. Elle avait pu recevoir l'architecte et le clerc de notaire, Jean, pour elle, sans conséquence, dans son cabinet de toilette, mais elle se croyait obligée sans doute à plus d'égard envers son médecin. « Voulez-vous tenir compagnie à Horton, » dit-elle au colonel. « Dans quelques minutes, je vous rejoindrai. Mais si vous avez à lui parler, je n'ai rien de particulier à lui dire. Me trouvez-vous malade ?» On conduisit le colonel dans un petit salon attenant à la chambre de Madame de Lucilière, où il trouva le docteur Horton. Au bout de peu d'instants, la marquise vint les rejoindre, ayant revêtu une toilette de ville. La visite de Horton était plutôt d'un ami que d'un médecin. Il savait très bien que la marquise n'était pas malade, cependant il tenait à la voir de temps en temps assez régulièrement. En cette saison de fatigue, il était bon de veiller sur soi. Assurément, il n'était pas le médecin aux drogues, mais un peu d'alcool pris avec discernement pouvait soutenir les forces ou les relever. « Maintenant, » dit la marquise quand Horton fut parti, « nous allons déjeuner. Malheureusement, je serai forcé de vous presser un peu, car je veux voir mon agent de change avant la bourse. » Elle sonna, et on leur apporta sur un grand plateau en argent un déjeuner substantiel, œufs, poissons, viande, légumes, thé et vin. Le colonel espérait qu'il aurait alors quelques minutes de tête-à-tête, mais il n'en fut rien. Ils avaient à peine commencé de déjeuner qu'on introduisit deux religieuses qui venaient chercher les bas de laine et les tricots que Madame la Marquise avait eu la charité de promettre pour leurs enfants. La marquise n'avait point oublié sa promesse. Elle avait acheté les bas et les tricots. Il fallut les voir. C'était très beau, très bon. Les pauvres petits allaient être bien heureux. Le colonel fut ému. Il ne savait pas acheter des bas et des tricots aussi bien que Madame de Lucilière. Mais il espérait que les bonnes sœurs voudraient l'excuser s'il leur laissait ce soin, et il leur glissa son offrande. La porte fermée, Madame de Lucilière lui sauta au cou. Mais ce n'était pas le moment des longs épanchements. Il fallait trouver l'agent de change. Ils montèrent dans le coupé de la marquise et bientôt ils furent rue Richelieu. Il voulut l'attendre dans la voiture, mais non, il fallait qu'il montât autant d'étages qu'elle et qu'il fît tout ce qu'elle faisait. Madame de Lucilien n'était pas une femme qu'on laissait attendre. Elle fit passer sa carte, et bien que l'agent de change fût occupé, il la reçut aussitôt, les deux mains dans les poches de son gilet, le visage souriant, la bouche en cœur, un homme qui sait ce qu'on doit à une jolie femme. Désolé, il était désolé, mais aussi pourquoi n'avait-elle pas voulu l'écouter? Elle croyait avoir des renseignements très bien, mais elle jouait un jeu imprudent. La bourse était décidément à la hausse. Elle demanda à être reportée. Très bien. Cependant, le report était cher. Peut-être vaudrait-il mieux faire un sacrifice immédiat? Non? Alors elle serait reportée. Mais qu'il n'oublia pas son conseil. Il ne pouvait pas voir une femme jeune et charmante perdre son argent. Alors elle présenta le colonel Chamberlain. À ce nom, l'agent de change s'inclina avec respect. S'il avait de la considération pour la beauté, il en avait bien plus encore pour l'argent. Est-ce que le colonel voulait faire des opérations de bourse? Non. C'était bizarre. Comment? La grande fortune du colonel était due au commerce seul, sans le secours de la spéculation, plus bizarre encore. Chez le notaire, la marquise n'attendit pas plus que chez l'agent de change. Devant elle, les portes s'ouvrirent à deux battants. Elle voulait vendre sa ferme de blé mûr. On lui demandait des réparations qui allaient l'entraîner loin. Ne pouvait-on pas lui trouver un acquéreur pour cette ferme qui était d'excellent rapport? Elle avait besoin d'argent. Et elle énuméra à un homme d'affaires ce que la ferme valait. Assurément, on la vendrait facilement et à un bon prix. Mais c'était un immeuble total et Madame la Marquise était trop au courant des affaires pour ne pas savoir que le prix de vente devrait être employé en remplacement et que par conséquent elle n'en pourrait rien toucher. Et une discussion s'engagea à laquelle le colonel ne comprit pas grand-chose. Il vit seulement que la marquise entendait très bien la langue des affaires et qu'elle cherchait à se procurer de l'argent. Bien que ce fût un sujet délicat à traiter entre eux, il lui adressa cependant quelques questions lorsqu'ils se retrouvèrent côte à côte en voiture, la main dans la main. Comment donc avait-elle à s'occuper d'affaires alors que le marquis paraissait les connaître si bien et les aimait tant? Je ne m'occupe que de mes affaires personnelles, c'est-à-dire de l'administration de la fortune qui m'a été constituée en dot, et dont le marquis a voulu que les revenus servissent à mon usage particulier, ma toilette, mes dépenses propres, etc. Pour le reste, c'est le marquis qui, bien entendu, dirige nos affaires et par bonheur, il le fait plus habilement que moi. En ces derniers temps, j'étais assez malheureuse. J'ai perdu de l'argent en course, j'en ai perdu à la bourse, j'en ai perdu de toutes les manières et je n'en ai gagné d'aucune. Mais il ne faut pas penser à cela. Et pourquoi ne faut-il pas penser à cela? Mais parce que rien n'est plus ennuyeux. Je veux vous fatiguer. Je ne veux pas vous ennuyer. Au reste, la visite que nous allons faire maintenant va, je l'espère, racheter celles qui viennent d'amener entre nous ce désagréable sujet. Vous savez où je vous conduis? Chez un homme célèbre, chez une gloire parisienne. En un mot, chez Faugerolles, le fameux couturier. Si la marquise n'avait eu qu'à donner son nom chez l'agent de change et chez le notaire pour être aussitôt reçue avec toutes les marques de déférence dues à son rang, à sa réputation et à sa beauté, il n'en fut pas de même chez Faugerolles, où les plus grandes dames, les plus hautes et les plus illustres, étaient habituées à faire antichambre sans oser se fâcher, tant était solidement établie la puissance du célèbre couturier. Les instants de la marquise, ses chatteries, furent en pure perte. Monsieur Faugerolles compose. Il est enfermé avec ses dames. Il a donné l'ordre de ne le déranger pour qui que ce soit. Nous ne pourrons nous-mêmes entrer dans son salon que lorsqu'il aura sonné. Et il fallut bien que la marquise se contentât de cette réponse. Elle alla s'asseoir avec le colonel dans un vaste salon, dont l'ameublement sévère était du meilleur goût. « Est-ce que nous allons rester là tant que ce monsieur voudra nous faire attendre ?» demanda le colonel, blessé qu'on se permît de ne pas recevoir une femme telle que sa chère marquise, aussitôt qu'elle se présentait. « Ne parlez pas de ce monsieur avec ce dédain, mon ami. Faugerolles est, je vous assure, un grand artiste, et je trouve que ceux qui rient de son art ou en font fi sont des sots, exactement au même titre que ceux qui font fi d'un grand peintre. Et encore, avons-nous plus d'un grand peintre, tandis que nous n'avons qu'un Faugerolles. Pourquoi admire-t-on celui qui fait la femme belle sur une toile, et n'admire-t-on pas celui qui la fait belle dans la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas là un art d'invention, un goût de composition, une sens des couleurs? Et songez à quelles difficultés on se heurte, la mode, les exigences des femmes, leurs infirmités. Au reste, ce qui constitue la supériorité de Faugerolles, c'est qu'il a commencé par être peintre. C'est, dit-on, le fils d'une lorette et d'un commerçant. De sa mère, il a reçu le goût de la toilette, de son père le sens des affaires. Après avoir débuté par la peinture, il l'a abandonnée, et il a fondu cette maison qui bien vite a acquis sa grande réputation. Il est vrai que Faugerolles ne possède pas seulement le génie de la toilette, il sait encore parler aux femmes la langue qui leur plaît. Ainsi, à une femme qui se plaint de sa sécheresse, il dira « Madame, pour un homme qui connaît son art, le néant n'existe pas. De rien, cet homme doit faire quelque chose de fort joli et même de provoquant. » À une femme grasse qui se plaint de son ampleur, il dira « Madame, pour un homme qui connaît son art, il n'y a rien de trop dans la nature. Le tout est de saisir ce trou et de le façonner pour en faire quelque chose qui devient fort joli et même provoquant. » Une porte qui s'ouvrit interrompit la marquise. C'était Faugerolles lui-même, entouré de quatre jeunes femmes, assez insignifiantes de figure, mais admirables de forme et de tournure. Elles portaient des toilettes inachevées, attachées sur elles avec des épingles, et se mouvaient avec la lenteur mécanique d'un mannequin. En apercevant sa cliente, Faugerolles vint au-devant d'elle et il s'excusa en deux mots de l'avoir fait attendre. C'était un homme jeune encore, de grande taille, avec une tête fine, trop jolie pour un homme. Ses cheveux blonds, qu'il portait longs, frisaient sur son cou. Son menton et ses joues, rasés de près, étaient passés au col crème et à la poudre de riz. Sa toilette était aussi trop soignée pour quelqu'un qui travaille. Cravate de satin bleu, redingote noire serrée à la taille, pantalon gris. Lorsqu'il tendait la jambe, on voyait une petite bosse au-dessus de son genou. C'était sa jarretière supérieure qu'il attachait comme les femmes qui veulent avoir des bas bien tendus. « Je n'ai que 25 minutes à donner à madame la marquise, dit-il, en tirant de son gilet une petite montre entourée d'un cercle de diamants. Je regrette de la taxer ainsi, mais pourquoi madame la marquise ne m'a-t-elle pas écrit pour m'annoncer sa visite? Je me serais arrangé pour me tenir à sa disposition. Elle n'aurait pas attendu, et moi je n'aurais pas été pressé. » La marquise ne se montra pas blessée, et elle s'excusa plutôt. Elle ne savait pas la veille qu'elle aurait besoin de le voir. C'était une toilette pressée. « Alors ne perdons pas notre temps, les minutes marchent. » Et il se dirigea vers le salon d'où il était sorti. Comme le colonel s'apprêtait à suivre la marquise, Faugerolles, se retournant, le regarda avec surprise. Alors la marquise lui expliqua en riant que c'était un pari. Le colonel Chamberlain devait la suivre partout depuis le matin jusqu'au soir. « Ah, monsieur est le colonel Chamberlain, » dit le costumier, et il salua avec une certaine déférence. Il eut même la politesse de faire passer le colonel devant lui, ce qui était une faveur qu'il n'accordait à personne. Avant d'entrer, il se retourna, et s'adressant aux quatre femmes, qui étaient restées immobiles au milieu du salon, « Mesdemoiselles, veuillez passer lentement devant monsieur le colonel Chamberlain. » Puis à mesure qu'elles défilaient, il désignait la toilette. Costume de campagne, 3 000 francs. Costume de ville, 4 000 francs. Robe de soirée, 6 000 francs. « Madame la marquise, je vous écoute, » dit-il. Si le colonel avait été surpris de la façon remarquable dont madame de Lucilière parlait la langue des affaires, il fut émerveillé de la façon dont elle comprenait l'art de la toilette. Depuis qu'il la connaissait, il avait pu voir quel était son goût pour s'habiller, mais il ne se doutait pas que ce goût reposait sur des connaissances sérieuses. Elle savait à fond l'histoire du vêtement depuis la feuille de vigne d'Adam, et elle eût pu soutenir une discussion avec M. Chevreuls sur la loi du contraste simultané des couleurs. De là une hardiesse dans les idées, une sûreté dans l'invention, qui lui permettait de se placer au-dessus des lois étroites de la mode et de les faire plier suivant les fantaisies de son imagination. Faugerolles, l'illustre Faugerolles, routinier comme tous les gens de métier, commençait par se fâcher, déclarait que ce qu'elle proposait était matériellement impossible, que c'était un outrage à la tradition, une hérésie révolutionnaire. Puis, peu à peu, il se laissait toucher. La lumière se faisait dans son esprit, la conviction le pénétrait, et il en arrivait à trouver tout simplement sublime ce qu'il avait d'abord repoussé avec mépris. « Si j'ai le talent de la toilette, vous en avez le génie, » s'écria-t-il. « Positivement, c'est un don. S'il y avait seulement 10 femmes, comme vous en France, la face du monde serait changée. Nous pourrions faire une révolution non seulement artistique, mais encore économique et sociale. Mais qu'attendre d'esprits timides qui se copient les uns les autres ? Dans son enthousiasme, Faugerolles l'oublia l'heure, et les 25 minutes se changèrent en 1 heure et demie. Quand la marquise sortit, elle trouva dans le salon 4 ou 5 femmes de son monde qui poussèrent les hauts cris. Pouvait-on ainsi accaparer Faugerolles? C'était abominable, scandaleux. « Mesdames, dit Faugerolles avec l'autorité d'un homme qui rend des oracles, la marquise de Lucilière n'est pas une cliente, c'est une collaboratrice. Quand je suis enfermé avec elle, elle ne m'accapare pas. C'est pour l'art que nous travaillons et pour la gloire de toutes. Vous verrez. » Monsieur Dame, peu sensible à cet éloge, n'avait des yeux que pour le colonel. Elles se regardaient vivement entre elles, puis, après avoir échangé leurs observations dans un coup d'œil furtif, elles revenaient au colonel. « Comment ? La marquise l'amenait avec elle, chez Faugerolles. Cela était caractéristique. Au moins ne crie-t-on pas ces choses-là sur les toits. » L'enthousiasme de Faugerolles se comprenait facilement. Mais comment lutter avec elle ? Mais ce fut quand le colonel et la marquise eurent quitté le salon que les propos se donnèrent librement carrière. « Nous voici bien en retard, » dit la marquise en s'asseyant dans le coupé. « Nous ne pourrons jamais regagner l'heure passée chez Faugerolles. Et où allons-nous présentement ? « Chez ma modiste, chez mon bijoutier, chez mon fleuriste. Et nous rentrons, nous allons chez la Jarry, à qui j'ai promis séance pour mon portrait, puis chez ma mère, à qui je fais une visite chaque jour avant 4 heures. » Heureusement, les conférences ne furent pas aussi longues avec la modiste, le bijoutier et le fleuriste que l'avaient été celles avec le costumier. Cependant, en arrivant chez son portraitiste, Madame de Lucilière s'aperçut qu'elle ne pourra lui donner que quelques minutes. Mais le peintre ne se montra pas peiné de ce contretemps. Il travaillait à son portrait d'après une photographie disposée dans un appareil stéréoscopique pour la tête et d'après une robe arrangée sur un mannequin pour la toilette. Aussi ne se servait-il que très peu du modèle vivant, seulement pour l'inspiration et non pour l'exécution. Il connaissait le public dont il était le peintre attitré et savait parfaitement qu'il ne fallait pas lui demander l'exactitude. Or, comme il était lui-même exact et régulier au travail, il employait tous les moyens qui pouvaient épargner le temps de ses clientes et surtout le sien. Sans doute, il n'arrivait pas ainsi à faire des jocondes, mais quelle femme du monde voudrait aujourd'hui son portrait compris exécuté comme celui de Léonard de Vinci ? L'expression, la flamme intérieure, l'habit, c'est quelque chose, mais la robe. Et précisément, la Jarry égalait dans son art l'illustre Faugerolles dans le sien. Chacun de son côté était le roi des costumiers. Le peu de temps que Madame de Lucilière resta chez le peintre lui permit de disposer de quelques minutes avant d'aller chez sa mère. Elle fit arrêter sa voiture devant un pâtissier du boulevard. À monter et à descendre les escaliers, à parler et à soutenir des discussions, la faim était venue. Elle avait besoin de reprendre des forces. Quelques gâteaux, arrosés d'un verre de porto, lui feraient attendre l'heure du dîner. Précisément, Miss Wright se trouvait là, commodément assise devant une petite table, sa demoiselle de compagnie se tenant debout derrière elle. « Ah, que vous avez bien fait de venir ici, » dit-elle au colonel. « Pour le macaroni, c'est la meilleure maison de Paris. Je vous recommande aussi Frascati pour les brioches mousseline, la place de la Bourse pour les religieuses, la rue de Rivoli pour les pains au foie gras, Ray pour les petits fours. » Et elle continua son énumération. Comme le colonel lui faisait remarquer qu'elle n'avait pas perdu son temps depuis qu'elle était à Paris, « J'ai engraissé de 3 livres, » dit-elle fièrement. Puis elle reprit ses recommandations. Il y avait dans le faubourg Saint-Germain un pâtissier qui faisait des gâteaux meringués excellents. Il y en avait un autre dans le faubourg Saint-Honoré dont les pâtés aux crevettes étaient exquis. Il était impossible de mieux connaître Paris au point de vue de la pâtisserie. En sortant, ils la laissèrent attablée, mangeant lentement, avec la conviction d'une conscience qui accomplit un devoir, et la marquise donna ordre au cocher de la conduire chez sa mère. Madame de Courcy, la mère de Madame de Lucilière, habitait au premier étage d'une des grandes maisons de la rue Royale, un appartement d'où elle ne sortait jamais. Elle avait été l'une des plus belles femmes de la cour de Louis-Philippe, à l'époque où le duc d'Orléans avait donné un peu de vie à cette cour honnête et bourgeoise. Ses aventures avaient fait assez de bruit pour laisser des souvenirs vivaces chez ceux qui avaient connu ce temps. Née dans une famille de financiers, elle avait épousé le marquis de Courcy, qu'elle avait complètement dominé et annihilé car elle était une maîtresse-femme. Malheureusement, elle s'est un jour cassé la jambe dans une partie de chasse. Des complications fâcheuses étaient survenues, elle était restée boiteuse, mais boiteuse à ne pouvoir point faire un pas sans des béquilles. Ainsi frappée dans sa beauté, dont elle était follement fière, elle avait juré que personne ne verrait cette infirmité, et elle s'était condamnée à ne pas quitter son fauteuil. C'était alors qu'elle était venue habiter la rue Royale, car elle ne voulait pas renoncer au monde. Tout Paris passait sous ses fenêtres, et parmi ses amis, il s'en trouverait bien quelques-uns, sans doute, qui feraient arrêter leur voiture pour monter la voir. D'ailleurs, elle avait su les attirer par deux appâts tout-puissants, l'esprit et la cuisine. Trois fois par semaine, il y avait table exquise chez elle et tous les jours spirituelle causerie. En échange, elle ne demandait à ses fidèles que de faire son whist, qui était devenu sa seule passion. De 4 à 6 heures tous les jours, du commencement de l'année à la fin, elle jouait. Puis de 10 heures à minuit. Le reste du temps, elle était entièrement à ceux qui la visitaient, occupée à satisfaire leur gourmandise par une chair fine, ou à flatter leur vanité en leur donnant son esprit qui était des plus délicats. Madame de Lucilière avait trop le respect de sa mère pour avouer que la visite du colonel Chamberlain n'était qu'une sorte de gageure. Elle présenta donc cette visite comme un hommage que le colonel avait voulu rendre à la marquise, qu'il n'avait pas l'honneur de connaître encore. Flattée de cette déférence, Madame de Courcy déploya son amabilité des grands jours. En l'écoutant, le colonel se demandait comment une vieille femme pouvait être aussi séduisante. Il fut charmé, et pour la première fois il comprit ce qu'étaient les Parisiennes. La fille lui avait fait connaître la jeune Parisienne, la mère lui révélait la vieille. « Combien je vous remercie de m'avoir amené chez votre mère, » dit-il à la marquise lorsqu'il se retrouva seul avec elle. « Maintenant je comprends pourquoi je vous aime si passionnément. » Elle vous explique, et avec tout ce qu'il y a d'accentué en elle, les traits de son visage aussi bien que les formes de son esprit, elle fait bien sentir vos qualités et les rend toutes visibles. La marquise avait donné l'ordre au cocher de la ramener à l'hôtel, mais ce n'était point le tête-à-tête espéré par le colonel qui les y attendait. C'était jour de la réunion de l'œuvre de charité, et c'était chez la marquise qu'elle devait avoir lieu. De 4 à 5 heures, on travaillait pour les pauvres. Déjà, plusieurs dames étaient arrivées, et s'étaient mises au travail. Lorsqu'elles apprirent l'idée de la marquise, il y eut une explosion de rire. Comment un colonel devait assister à des travaux de couture? Quelle fantaisie bizarre avait cette chère marquise! C'était précisément cette bizarrerie qui amusait la marquise. Elle voulut la pousser jusqu'à ses dernières limites. « Vous vous êtes engagé à faire tout ce que je fais moi-même, » dit-elle en jetant au colonel un gilet en grosse laine commune. « Mais je ne sais pas coudre, » dit-il en riant. « Aussi n'est-ce pas cela que je demande? Au contraire, vous allez découdre les boutons de ce gilet qui ne sont pas vis-à-vis des boutonnières. Faites bien attention de ne pas couper l'étoffe. » Les jeunes femmes trouvèrent ce jeu fort drôle, mais les vieilles parurent ne pas l'approuver. Elles prirent des figures graves qui montraient clairement qu'elles en étaient choquées. Que dirait monsieur le curé? Cependant, peu à peu, la glace se fondit, et tandis que les ciseaux et les aiguilles marchaient, les conversations s'établirent. Malheureusement, pour l'instruction du colonel, on n'osa pas trop se livrer. Aussi, la séance ne fut pas longue. L'une après l'autre, ces dames prétextèrent des occupations qui les rappelaient, et à 5 heures, la marquise et le colonel se trouvèrent seuls. Enfin! Mais c'était le moment d'aller au bois. N'était-ce pas une habitude, un devoir, pour ainsi dire, de chaque jour? Sans doute, elle était prête à y manquer. Mais alors, toutes les conditions de l'expérience ne seraient pas remplies. Il n'avait rien à répondre. « Allez donc vous habiller, dit-elle, tandis que je m'habille moi-même. Vous avez 10 minutes. » C'était toujours du bonheur que d'être près d'elle dans cette calèche, où si souvent il devait se contenter de la voir de loin, répondant par un sourire à son salut. Il était près d'elle, leurs bras se frôlaient, elle avait un pied posé sur le sien, et quand il se penchait vers elle pour lui parler à l'oreille, il respirait le parfum qui se dégageait de ses cheveux. Et puis quel regard attachait sur lui ceux qui les saluaient, Serkis Pacha, le duc, le prince, qui semblaient pétrifiés dans leur voiture. « Si nous faisions un second tour du lac, » dit-il lorsque le premier fut achevé, « vous ne vous plaignez donc plus. » Et il ordonna au cocher de recommencer le tour du lac. Mais il fallut bientôt rentrer. Le marquis avait des gens d'affaires à dîner et la marquise devait faire une nouvelle toilette. À ce dîner, il fut bien entendu placé à sa droite. Mais elle ne s'occupa pas plus de lui que de ses autres convives. Car sa règle était de partager également ses attentions et ses sourires entre tous ceux qui s'asseyaient à sa table. Pas de préférence dans son amabilité. Chacun en avait sa part et tous l'avaient tout entière. Le marquis portait trop loin la religion de la politesse pour parler devant le colonel d'affaires qui n'intéressait pas personnellement celui-ci. Mais ses invités n'eurent pas la même discrétion. Alors la marquise se mêla, par quelques mots, à l'entretien. Et ce fut avec un bon sens pratique, une finesse ou une profondeur d'aperçu vraiment prodigieux. On eût parlé chinois devant elle, qu'elle eût assurément répondu de manière à faire croire qu'elle avait compris. La réunion dans le salon après dîner ne fut heureusement pas très longue. Ce n'était pas pour parler de futilité mondaine ou pour faire de l'esprit que le marquis avait réuni ses convives. Il avait à traiter des affaires sérieuses. Pour la dixième fois, le colonel, restant seul avec la marquise, prononça le mot dans lequel se résumaient ses espérances. « Enfin !» Mais il l'avait dit trop tôt. « Et Savinien, que je n'ai pas encore vu ?» s'écria la marquise. Vraiment, le colonel ne pouvait pas trouver mauvais que cette mère pensât à embrasser son fils. Et même, malgré toute son admiration pour sa chère Henriette, il se permit de trouver qu'il était un peu tard pour se souvenir qu'elle l'avait oublié. « Comme il faut que je m'habille pour les soirées où nous irons ce soir, » dit-elle, « nous allons, si vous le voulez bien, monter dans mon cabinet de toilette. Il n'est jamais si heureux que lorsque je lui permets d'assister à ma toilette. Il adore les chiffons. C'est une fille. » Physiquement, M. le comte Savinien de Lucilière ressemblait peu à une fille. C'était un jeune garçon d'une dizaine d'années, que son portrait peint par Hébert faisait assez bien connaître. Visage maigre, teint verdâtre, yeux profonds entourés d'un cercle noir, poitrine étroite, tournure distinguée, regard intelligent et mélancolique d'un jeune homme de 20 ans. Malgré son assiduité dans la maison, le colonel ne l'avait que peu souvent vu, car l'enfant habitait l'étage supérieur de l'hôtel avec son précepteur et ne descendait pas à la table de ses parents. Mais ce peu suffisait cependant pour qu'il ne lui fût pas sympathique. Il lui reprochait d'être un trop bon comédien, toujours au rôle qu'il se donnait, à ce point que lorsqu'il embrassait sa mère, il avait l'air de jouer la scène de la tendresse filiale. Le geste, l'intonation, le regard, tout était maniéré. Après avoir embrassé sa mère, il tendit la main au colonel et, revenant à sa mère, il l'embrassa de nouveau sur le front, sur les joues, dans le cou. « Où allez-vous ce soir ?» lui demanda-t-il, regardant sa toilette de bal qu'elle allait revêtir. Elle nomma plusieurs maisons. « 3 soirées, dit-il, et je suis sûr que partout vous serez la plus jolie. Monsieur le colonel, est-ce que vous trouvez qu'il y a des femmes aussi jolies que maman ?»« Non, assurément. J'en étais sûr. » Et de nouveau il l'embrassa. Puis s'approchant de la robe, il la regarda. « Je ne vous connaissais pas, cette robe. Vous ne l'avez pas encore mise, n'est-ce pas ? Elle est de Faugerolles. » Abandonnant la robe, il s'approcha d'une table de toilette, et ouvrant plusieurs tiroirs les uns après les autres, il prit des boîtes et des flacons qu'il flaira. Ayant trouvé une boîte de poudre de riz, il l'ouvrit, et se passa un nuage de poudre sur le visage en se regardant dans un petit miroir. Alors il revint à sa mère, qui pendant ce temps avait été dans la pièce voisine revêtir sa robe, et il resta longtemps debout devant elle à la regarder, à la contempler avec admiration. « C'est égal, dit-il. Je vous aime mieux quand vous êtes coiffée plus en hauteur. Je l'ai déjà dit à Sophie, mais elle ne veut pas me croire. » La marquise pendant ce temps avait achevé sa toilette. « Est-ce que vous allez déjà partir ? » dit-il. « Il est bien bonne heure. Tu veux que je reste encore avec toi, mon enfant ? Ah, si vous vouliez !» dit-il en joignant les mains et avec un accent ému, que le colonel, malgré ses préventions, sentit sincère. « Mais oui, je le veux. » « Alors, puisque vous êtes prête, nous allons descendre dans le salon. Il est éclairé. Vous avez eu du monde ce soir. » « Volontiers, mais à une condition, j'interrogerai sur ce que tu as fait cette semaine. »« Oh, je veux bien. Je suis sûr de répondre. Monsieur le menu est content de moi. » « Eh bien, nous allons faire descendre Monsieur le menu. Je serai heureuse qu'il me fasse ton éloge devant toi. » Monsieur le menu était un grand jeune homme pâle et timide qui n'osait pas lever les yeux sur la marquise, qu'il adorait respectueusement de loin et pour laquelle il faisait des vers, la nuit, qu'il n'avait bien entendu jamais montré à personne. La marquise fut satisfaite de son examen. Savinien ne s'était point vanté, il avait vraiment bien travaillé. Sur l'histoire sainte seulement, ses réponses laissèrent à désirer. À la façon dont l'enfant traitait Ruth et Bose, il semblait que ces personnages n'avaient pas pour lui grande importance. Alors, Madame de Lucilière adressa un petit discours au précepteur. Elle ne le gronda pas, mais elle regretta, avec des paroles bien senties, qu'il négligeât l'histoire sainte. En effet, n'était-ce pas l'histoire par excellence, celle dont tout découlait ? Il ne fallait pas avoir à cet égard les idées de l'université. Surtout, il ne fallait pas les appliquer. Cette petite leçon donnée au pauvre précepteur, pâle d'émotion, et son fils bien embrassé, elle monta en voiture avec le colonel. « Comment donc ? » demanda celui-ci. « Avec vos idées, n'avez-vous pas un abbé pour précepteur de votre fils ?»« Parce que je ne veux mécontenter ni les jésuites, ni les dominicains, ni tous ceux qui ont intérêt à me donner un homme à eux et qui espèrent y arriver un jour. Je les laisse dans cette espérance et par là, je reste bien avec tous. De plus, s'il me plaît de dire quelquefois ce qui se passe chez moi, je ne veux pas qu'on l'apprenne par d'autres, ce grand garçon timide et la discrétion même. » Ce fut à 2 heures du matin seulement que le colonel ramena enfin la marquise chez elle. Dans chacune des trois maisons où elle s'était montrée, elle avait été, selon les prévisions de son fils, la plus jolie, au moins aux yeux du colonel. Cependant, une certaine amertume s'était mêlée à la satisfaction de celui-ci. Dans la première de ces maisons, elle avait rencontré le prince Eratov, dans la seconde, le duc de Mestosa, dans la troisième, Lord Ferguson. « Il y a 16 heures que nous sommes ensemble, » dit la marquise en arrivant à son hôtel. « Comment, mon ami, trouvez-vous notre journée ?»« Charmante, et je suis prêt à recommencer demain, tous les jours. »« Pour cela, il faudrait que vous fussiez mon mari, et ce n'est pas à souhaiter, il me semble, pour notre amour. »« Quel tort le marquis a-t-il envers moi ?»« Un seul, il est mon mari. »